Bonjour, je m'appelle Nour Moussavi, je suis doctorante en deuxième année, ou plutôt fin première année de thèse au laboratoire Cresson. Ma thèse, Ambiance lumineuse nocturne et Smart Cities de demain, création d'une conception lumière interactive et évolutive, est sous la direction de Grégoire Chelkoff. D'abord, pourquoi ce thème-là ? Pour répondre à cette question, je vais me présenter rapidement. Je suis architecte, j'ai eu mon diplôme à l'Université libanaise à Beyrouth et intéressée par l'architecture nocturne, les illuminations architecturales, je suis venue en France en 2014 pour faire un master en éclairage urbain à Lyon. Et puis, souhaitant s'approfondir dans ce monde de la lumière, j'ai choisi ce thème-là pour faire une thèse. Voici le sommaire de ma présentation d'aujourd'hui et je vais commencer par le contexte général. Smart City, on en entend parler partout, presque tous les jours, mais de quoi s'agit-il ? En fait, il y a un ensemble d'enjeux économiques, ce sont les crises économiques, d'enjeux environnementaux, le réchauffement de la Terre et des enjeux démographiques, l'accroissement de l'urbanisation, qui ont abouti à l'émergence de ce concept de Smart City. Un grand nombre de villes se sont investies dans cette notion-là et essayent de transformer leur ville en des villes dites intelligentes. Selon Jeff Inger, il a classé cette ville selon 6 critères différents: Smart Environment, Governance, Economy, Mobility, Living and People. À ce jour, il n'y a pas une définition claire, unique de cette notion de Smart City, mais la plupart des définitions parlent de l'intégration des TIC, des technologies d'information et de communication dans cette ville. Donc c'est une ville utilisant les TIC pour améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts. Ce concept émergent désigne un type de développement urbain apte à répondre à l'évolution des besoins des institutions et des citoyens, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. D'autre part, comme il fait nuit de la moitié du temps, donc on vit dans la nuit plus de la moitié de notre vie, cette thèse s'intéresse à la ville nocturne de demain. Donc l'objectif, c'est de poser la problématique de la lumière urbaine interactive évolutive et des temporalités nocturnes dans la création de la ville de demain. Deux termes ou deux expressions à définir ici. Il y a d'abord la lumière interactive. C'est quoi une lumière interactive ? Donc c'est une lumière dynamique qui est variable dans le temps et ou dans l'espace, qui est évolutive et qui interagit avec son environnement. Soit son environnement naturel, donc avec les températures, les pluies, la neige, le vent, les saisons, la différence des heures, soit avec son contexte urbain, donc le son, les bruits, le passage des voitures, les événements, soit interaction avec l'homme, donc la détection de présence. On parle aussi des commandes d'éclairage par le smartphone et le pilotage à distance. Les temporalités nocturnes. Ici, Antoine Boucher, l'ex-directeur de l'éclairage public à Lyon, explique cette notion en disant: pourquoi éclairer ? Faut-il éclairer toute l'année et toutes les nuits de la même façon ? Donc c'est l'objectif du concept de temporalité et de la gestion des temps de la nuit. Donc c'est le fait de maîtriser les heures d'allumage, de gradation, d'extinction avec des contraintes événementielles. Donc on passe d'un éclairage continu dans l'espace et dans le temps à une stratégie lumière qui est ciblée, qui est interactive, qui répond aux usages et aux besoins de la ville. On peut identifier plusieurs états lumineux. Alors, il n'y a pas un seul état, il y a plusieurs. Il y a un état de plein feu, état de veille et état d'éveil, donc selon les heures de la nuit. Le contexte actuel de l'éclairage urbain et la problématique, donc aujourd'hui, avec la crise financière, les politiques d'éclairage s'orientent vers des réductions de consommation d'énergie. En France, il y a 9 millions de points lumineux et 40, qui consomment à 47. Excusez-moi, c'est 9 millions de points lumineux. Consomme 47% de l'électricité d'une ville, selon une étude de l'ADEME. D'autre part, les pollutions lumineuses et les nuisances visuelles et un grand nombre d'études qui ont été menées sur l'effet de l'éclairage artificiel sur la biodiversité, la faune et la flore. Donc aujourd'hui, les stratégies lumière s'orientent vers la lutte contre ces pollutions lumineuses et ces nuisances visuelles. Cette carte montre la pollution lumineuse européenne. Les zones en rouge présentent les villes les plus polluées. Et les vertes, les moins polluées. Ensuite, aujourd'hui, il y a un désir de redécouvrir la ville à la belle étoile, comme avant. Donc, il y a un but de protéger le ciel nocturne. Cette photo montre comment l'éclairage artificiel influe sur l'environnement. Donc, selon le matériel utilisé, on passe d'un environnement qui est pollué, où la lumière artificielle ne laisse pas voir le ciel nocturne, à des matériaux où le flux lumineux est plus identifié, plus orienté, et dans la dernière phase où il n'y a pas d'éclairage artificiel. Donc, il y a un photographe français, Thierry Cohen, qui a imaginé les villes du monde sans cette lumière artificielle. Et voici un résultat. C'est une photo de Paris, de sa collection Darkened City, ou Ville éteinte, de demain. Donc, c'est une vision de cet artiste-là, et comment il a imaginé la ville nocturne de demain. D'autre part, il y a des nouvelles technologies. On parle de la LED, des temporalités nocturnes, détection de présence, de la gradation, smart grid, télégestion, OLED, smart lighting, toutes ces notions-là qui apparaissent aujourd'hui et qui changent notre vision de la ville nocturne de demain. Il y a un nombre de concepteurs lumière qui sont orientés vers l'utilisation de ces nouvelles notions-là. Et on entend par exemple parler de la trame noire, de plan d'obscurité au lieu de plan lumière par Roger Narboni. Et c'est par exemple le SDAL, le schéma directeur d'aménagement lumière de Rennes, qui est appliqué par l'agence Concepto. D'autre part aussi, Roger Narboni s'est projeté dans le futur de la ville en écrivant un conte futuriste de la ville obscure. Je vous lis un petit extrait de ce conte. Il fait nuit et ce qui surprend, c'est la faible luminosité ambiante, variable dans le temps et en constant déplacement dans l'espace. Les éclairages publics semblent s'adapter automatiquement aux flux et mouvements des piétons comme aux usagers, d'où la présence de zones obscures parcourues par instant de traces lumineuses mouvantes qui signalent les passants. La lumière urbaine interactive est devenue un véritable baromètre des activités nocturnes. Elle visualise les lieux de forte animation comme les temps forts de la nuit et autorise la présence de grandes superficies plongées dans une bienfaisante obscurité. Mais ici, il y a une autre vision pour cette ville de demain qui est imaginée avec de la lumière mouvante. En fait, ces nouvelles technologies, elles ont bouleversé notre manière d'éclairer la ville. On est passé d'un éclairage aux torches, aux flambeaux, à un éclairage fonctionnaliste qui s'intéresse seulement à la sécurité, donc un éclairage routier. pour passer ensuite, dans les années 1980, à des illuminations du patrimoine, comme le cas de Lyon, donc à des villes-musées. Ensuite, on est passé à des stratégies lumière qui prennent en compte plus la qualité de la lumière, les usages dans la ville, et non pas seulement le côté routier. Ils s'intéressent aux piétons, pas seulement à la voiture. Et enfin, pour arriver à un éclairage urbain interactif. Donc, les problématiques posées dans cette thèse, c'est comment les projets de conception lumière prennent en compte les enjeux de la Smart City, quel est l'impact de l'interactivité sur les ambiances lumineuses et sur la conception lumière, quel rôle peut jouer l'éclairage interactif dans la quête d'une identité nocturne spécifique à cette ville, quelles seront les stratégies lumière du futur, est-ce qu'il y a une apparition de nouvelles stratégies lumière ou seulement de nouvelles expérimentations ponctuelles? Quel est le futur, l'avenir de la conception lumière? Donc, voici quelques interrogations dans cette thèse. L'hypothèse, c'est que la lumière urbaine interactive devrait permettre d'explorer de nouvelles façons de créer ambiance lumineuse. Des sous-hypothèses, cela en disant qu'il y aura une requalification de certains critères de conception, une redéfinition de la notion de plan lumière, orientation vers la prise en compte du volet social, qualité de vie de la ville intelligente en participant à l'urbanisation du nocturne de la ville de demain et identification d'une image nocturne spécifique à la ville de demain. Le plan méthodologique de cette thèse, il est formé de plusieurs parties. D'abord, c'est l'état de l'art, donc la recherche bibliographique, première orientation, l'articulation entre Smart City et éclairage urbain, ambiance lumineuse interactive, donc la définition de cette notion, l'histoire de l'éclairage interactif. Pour passer à une autre phase, phase des expériences, les projets en cours, la typologie de ces projets, l'étude de cas de Lyon, une enquête in situ auprès des usagers sous forme de questionnaire, recueil et analyse des données. Ensuite, la phase prospective, donc un ancrage, c'est la phase projet, donc un ancrage territorial de cette thèse-là, ici à Grenoble, donc choix d'un terrain à Grenoble, l'état des lieux actuels, entretien avec les usagers, des entretiens aussi avec les concepteurs lumière et les autres acteurs du domaine de l'éclairage, donc mener une étude prospective, faire des expérimentations in situ pour arriver à proposer des scénarios et procéder à des cartographies. Et finalement, la synthèse. Arriver à innover des outils et des méthodes qui vont aider les concepteurs lumière et la formulation de concepts qui concernent l'éclairage de la ville de demain. Donc, un zoom sur quelques points de ce plan méthodologique. L'histoire de l'éclairage interactif. Donc, dans cette thèse, je m'intéresse à l'histoire de l'éclairage interactif et non pas l'éclairage en général, puisqu'il y a un grand nombre de recherches qui ont traité l'histoire de l'éclairage. Un exemple de l'histoire, le Tower Winds de Toyo Ito au Japon. Cette architecture qui est interactive, donc c'est l'une des premières illuminations architecturales interactives. La lumière ici, elle interagit avec le vent et interagit aussi avec le bruit environnant. Donc on parle d'une architecture qui est en perpétuelle transformation. C'est un landmark urbain nocturne qui date de 1986. L'interactivité a commencé très tôt, vraiment, dans la ville. Un zoom sur la typologie, les différents types de projets. Donc, il y a l'urbanisme lumière, donc les plans lumière, les schémas directeurs d'aménagement lumière, les illuminations architecturales. le paysage nocturne, les parcs, l'éclairage des parcs et des jardins, la lumière urbaine, donc l'éclairage des espaces publics, des places, le street lighting, la lumière événementielle, donc comme les fêtes des lumières, les œuvres d'art temporaires ou pérennes. Ce sont plusieurs calques. Si on les superpose, on va avoir un territoire nocturne complet. Par rapport à l'étude de cas de Lyon, Lyon, c'est une ville qui a mené un grand nombre d'expérimentations dans ce domaine-là, le domaine de smart lighting. Plusieurs expériences sont en cours d'étude. La détection de présence de la montée des carrières au fort de l'EAS à Lyon. Il y a le parc Blandan où il y a une lumière dynamique et mouvante qui laisse endormir ce parc-là. La détection de présence de la passerelle de paix à Lyon. L'étude de cas va se faire en plusieurs étapes. Il y a les observations, donc photographies, vidéos, sketchs. Après, une enquête auprès des usagers sous forme de questionnaire et recueil et analyse de ces données. À Lyon aussi, il y a l'illumination architecturale du palais de justice où on éclaire au rythme de la ville, donc c'est l'une des expérimentations qui montre l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éclairage des villes. Ensuite, par rapport à l'ancrage territorial, donc c'est le projet. Proposer une nouvelle stratégie lumière ou un plan lumière qui est basé sur l'utilisation de la lumière urbaine interactive évolutive après le choix d'un terrain à Lyon. Méthode et outils, c'est d'organiser des marches nocturnes commentées, impliquer les habitants en faisant une enquête, entretien avec les concepteurs lumière et d'autres professionnels. Créer des ateliers de conception, donc imagination graphique du nocturne de la ville de demain. Faire une expérimentation in situ d'un dispositif lumineux interactif, procéder à des cartographies. Le chronogramme, donc les différentes phases, la phase théorique, ensuite la phase étude de cas. Je suis en cours d'écrire l'état de l'art et l'étude de cas de Lyon. Ensuite, c'est le pire, je suis désolée, mais je crois que c'est le pire. Il vaut mieux revenir à la solution claire parce que sinon, sinon, on peut prendre un micro. Voilà. C'est oui, une session sonore. Pour arriver enfin à la synthèse, aux méthodes et outils pour aider pour imaginer le nocturne de la ville de demain et la rédaction fin 2018. Voilà vers une conception lumière interactive. Merci. Merci beaucoup, Nour. Du coup, ça a peut-être suscité des questions par rapport à ce que j'ai pu entendre ou moins bien entendre. Oui, si jamais ça perdure, je suis prêt à sacrifier du linge sale. J'adore essayer. Bien, en tout cas, je vous remercie pour ce bel exposé, hein, aussi qui me fait découvrir moi un certain nombre de choses. Hein, à la fois face à des choses qui poétiquement me semble intéressante, un enjeu vrai, rendre à la nuit son obscurité, c'est vrai que c'est assez beau de ce point de vue-là. J'avais simplement une question donc, par rapport aussi à la dimension un peu, déjà une question, est-ce que pour vous tous ces phénomènes-là sont vraiment du domaine d'une réalité déjà vraiment engagée, ou est-ce qu'on est encore dans une sorte de projection et d'utopie urbaine pour une certaine part, et comment est-ce qu'on pourrait doser entre les deux. Et il y a une question qui m'est venue, si on est encore dans la prospective et donc dans quelque chose qui est aussi l'imagination de la ville de demain, on sait que toute réflexion utopique elle concerne pour une certaine part un modèle de société, un modèle de vie qu'on a envie de développer. Ça pose la question, quelle ville est-ce qu'on veut, pour qui est-ce qu'on veut cette ville? Et au fond, si tous ces enjeux autour de la lumière, on sent bien qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, je me demandais, est-ce qu'il y a une prise en compte vraiment d'un enjeu social au sens fort du social, c'est-à-dire pas simplement pour faire de la ville aussi une marchandise de la nuit, c'est-à-dire on éclaire bien les jolis trucs, on peut aller se promener, mais pour, par exemple, certains usagers de la nuit un peu plus démunis, je pense au SDF, je pense à des travailleurs la nuit, etc. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose d'une réflexion aussi peut-être un peu critique et alternative sur ces usages plus pauvres ou faibles, je dirais, à faire en direction des publics et de vrais usagers qui ne sont parfois pas reconnus comme tels de la nuit, puisque il y a des gens qui évidemment ne sont pas soit en balade, soit bien protégés chez eux, admirer le spectacle de la nuit. D'abord, pour la première question, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase transitoire entre ce qu'était l'éclairage avant et le devenir de cet éclairage. Avant, l'éclairage est fonctionnaliste. On voit même aujourd'hui, et il y a toujours ce fonctionnalisme qu'on voit dans nos villes, des villes sodiumisées. Ce sont des villes où l'ambiance est orangé suite à l'utilisation de la source lumineuse SHP, source sodium haute pression, d'où le mot sodiumisé. Et donc aujourd'hui, les recherches sont à trouver une nouvelle stratégie lumière pour éclairer nos villes en tenant compte moins au côté routier. Donc l'éclairage sodiumisé, c'est pour les routes. Donc, comme on voit par exemple à Grenoble, les rues sont tous de teinte orangée. Et cette transition, elle est en cours. Il y a un grand nombre d'expérimentations. Par exemple, le cas de Lyon, où la ville de Lyon a fait des expérimentations de détection de présence, d'autres, par exemple le parc Blandan, où il y a une conception lumière mouvante, dynamique, où alors on s'intéresse au côté plus qualitatif, plus social, qui répond aux besoins de l'usager plutôt qu'une vision fonctionnaliste. C'est une utopie, mais on est vraiment... le sujet de la thèse, c'est de voir si on peut arriver à avoir vraiment une stratégie lumière interactive, d'imaginer une ville où ces dispositifs-là vont envahir les espaces publics ou pas. Et pour l'autre question, pour les usagers, en fait, par exemple, je donne l'exemple de la lumière interactive. Il y a des expérimentations qui se basent sur que l'usager lui-même, il peut commander sa lumière. Par exemple, les travailleurs, quand ils vont rentrer chez eux la nuit, pour ne pas... s'il n'y a pas d'éclairage, ils peuvent commander leur éclairage par leur smartphone, par exemple. Donc, il y a des expérimentations, des visions qui vont remplacer l'éclairage statique, l'éclairage présent. Voilà. Si tu peux juste, on avait dit que de se présenter au début, c'est un peu d'eau, de présenter le droit de question. Moi j'ai une question, tu parles beaucoup d'interaction justement, par exemple des travailleurs qui rentrent chez eux la nuit et qui ont besoin d'un éclairage ponctuel. Est-ce qu'il y a des limites justement à cette technologie pour les gens qui n'ont pas accès? Peut-être aussi ce serait intéressant de voir à qui s'adresse justement. justement cette interactivité, et de pas toutes les personnes. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, justement, c'est par rapport aux usagers dont tu parles, les utilisateurs de la ville la nuit. Est-ce qu'il y a déjà une base d'études qui montre un petit peu quels sont les utilisateurs de la ville la nuit? Parce que je pense que la ville de 20h à minuit, ce n'est pas les mêmes pratiques que de minuit à 6h du matin. Donc je pense que ce serait intéressant aussi de voir à quels usagers ça peut servir et dans quel contexte. Ouais. Oui, par rapport à la première question, à qui s'adressent ces technologies, c'est selon le contexte, c'est selon l'espace où on va concevoir ces technologies-là. Par exemple, dans les villes où il y a beaucoup de population, où la vie nocturne est active, on va procéder plutôt à des temporalités nocturnes. Dont je viens d'expliquer dans ma présentation, donc ne pas éclairer de la même façon toute la nuit, de procéder à des gradations de la luminosité, le fait de baisser les éclairements lumineux, ce qui va entraîner des économies d'énergie, de ne pas éclairer pour rien. Donc dans les zones où il y a vraiment de l'usage, on ne va pas éteindre la ville comme la photo de Paris sans lumière artificielle qui est vraiment une utopie, qu'on ne va pas arriver à ça. Donc c'est selon le contexte. Par exemple, dans la campagne où il n'y a pas d'activité la nuit et que les travailleurs vont revenir chez eux, ici on peut utiliser ces technologies de commande d'éclairage ponctuel. Et par rapport aux usages, l'autre question, c'est aussi ce sont les temporalités, par exemple de proposer par exemple la ville de Lyon qui propose dans certains espaces plusieurs états lumineux, un état lumineux de veille, donc c'est l'hiver de 5h à vers 10h du soir, donc l'éclairage il est à 100%, l'éclairement, le niveau d'éclairement il est à 100%, et puis de 10h à 5h du matin, c'est selon les lieux, mais par exemple à 5h du matin il y a l'état de veille, et puis l'état d'éveil qui est où dans l'état de veille l'éclairement sera baissé, par exemple à 50%, à 20%, puisqu'il n'y a plus de personnes qui vont se trouver dans l'espace de la ville. Et puis un état d'éveil, c'est quand les enfants vont se réveiller pour aller à l'école et tout ça. Donc il y a, on va remonter le niveau d'éclairement à 70% ou 100%. Donc voilà. C'est aussi pour rejoindre la question de l'utilisation et l'usager, en fait. Je me demande, est-ce que... je trouve que c'est très juste qu'on a besoin vraiment de voir le ciel, la lumière naturelle. Et ça, c'est vrai que dans notre expérience quotidienne, c'est très manquant. Mais en même temps, est-ce que quand on parle de l'intensité lumineuse de la ville, il y a quand même le facteur de sécurité des espaces qui se joue avec l'intensité des deux qui jouent ensemble. Donc, je ne sais pas de quelle manière prenez-vous le facteur de la sécurité dans ce processus. Ça, c'est la première question. Après, en fait, pour la deuxième question, c'est la question de la couleur de la lumière. Parce que d'après notre expérience et après les photos qui ont été présentées, en fait, je vois que la contre-façade qui est complètement en place. Enfin, c'est un vrai design de l'espace. Donc, ça aussi, comment tu le prends en facteur d'ambiance, par la constitution de cette expérience nocturne, la question de la couleur. Et aussi la question de la directionnelle. Donc on voit dans les photos, dans les différents, on voit de la lumière qui part dans tous les sens, qui est 360 degrés, et puis qui était vraiment directionnée vers le bas. Je vais commencer par la dernière question. C'est une question d'évolution des technologies. Avant, on voit les luminaires en boule qui diffusent de la lumière dans tous les sens et qui causent des halos lumineux qui vont produire une pollution lumineuse, comme c'est le cas dans la première photo. Et puis, avec l'évolution des technologies, on est arrivé à avoir des flux lumineux qui sont bien précis, qui sont bien orientés vers l'espace qu'on veut éclairer. C'est une question donc d'évolution technologique qui a abouti aujourd'hui, surtout avec l'utilisation de... Avec l'utilisation de la LED qui permet cette exactitude dans les flux lumineux. Voilà pour cette question. Ensuite, la question de la couleur. J'ai donné l'exemple, c'est le plus ancien exemple dans l'interactivité de la lumière architecturale. La couleur, c'est un sujet très, très intéressant dans l'interactivité aujourd'hui et aussi dans le nocturne des villes. Un grand nombre de concepteurs lumière utilisent la couleur dans leurs projets. Cette couleur va donner des ambiances lumineuses qui sont différentes. Donc, on peut avoir plusieurs images du même bâtiment par simple changement de couleur. On peut avoir une infinité de nouvelles façades, de nouveaux voilà pour cette question. Et qu'est-ce qu'il y a ? La sécurité. Ah oui, la sécurité. Oui, l'éclairage, le but principal de l'éclairage depuis. Les premiers dispositifs d'éclairage, c'est d'assurer la sécurité de l'homme. Exactement. Oui, c'est vrai. Et avec avec l'abaissement des niveaux d'éclairement et tout ça, on va arriver à voir. Il n'y a pas de l'obscurité, il n'y a pas le cas de Thierry Cohen qui imagine la ville sans lumière, mais la sécurité, elle devrait être toujours présente, même si on va abaisser le niveau lumineux, c'est à voir auprès des usagers qui vont accepter ou pas cette diminution de niveau d'éclairement. Pour laquelle on a éclairé, on a fait de l'histoire. c'est important aussi sur cette question de... Enfin, moi, je préviens de façon énergétique, voire poétique aussi, de retrouver les étoiles, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les économies d'énergie, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudra avoir des études pour démontrer en effet qu'il y a un niveau d'économie d'énergie, je pense que ça existe. Mais au-delà de cela, je pense que ça renvoie aussi à tout un imaginaire de la vie, l'image de la vie avec laquelle on n'accueille pas, au-delà du point de vue purement technique ou de l'énergie, puisque la ville est un espace qui peut rester, je veux dire, avec lequel on est en interaction en permanence, qui peut correspondre aussi à cette image que l'on fait de cet espace. Et dernier point, et c'est bien qu'on soit sur celle-ci. Si j'entends bien ce que vous dites, vous êtes essentiellement sur les éclairages qu'on peut qualifier de public. Mais on sait très bien aujourd'hui que l'éclairage de ville ne consiste pas uniquement en éclairage public. Il y a tous les magasins, il y a certains bureaux qui sont spécialement installés le soir et justement utiliser certains éclairages pour économiser l'énergie, pour justement que la ville soit plus noire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans cette stratégie d'économie d'énergie, on n'est pas que sur l'éclairage public, il y a aussi tout ce qui est lié à un dispositif pensé, je veux dire, que la ville ne soit pas complètement sombre. Et je pense notamment au magasin qui reste éclairé, même quand le magasin se ferme, et qui font qu'une rue paraît en fait plus sûre qu'une autre qui sera complètement désertée et un peu plus sombre. Donc je pense que ça, comment est-ce que c'est pris en compte dans votre étude? Parce que pour le coup, et ces magasins, s'ils éclairent, c'est aussi être moins sujet de fracture. Et comment est-ce que ça rentre en compte dans votre étude, puisque là, on n'est pas dans l'éclairage public. Ok. J'ai commencé par le dernier point. C'est vrai que l'éclairage urbain, cette thèse s'intéresse à l'éclairage urbain. L'éclairage urbain qui est formé de l'éclairage public, l'éclairage des rues, l'éclairage des places, l'éclairage public des villes, et d'autre côté, l'éclairage privé, donc l'éclairage des commerces, l'éclairage des habitations, tout ce qui est privé. Donc l'éclairage urbain, c'est bien ça, c'est la somme de ces deux éclairages-là. Dans cette thèse, je m'intéresse plus au côté de l'architecture, de l'éclairage privé en tant qu'illumination architecturale, plutôt que l'éclairage des commerces ou l'éclairage des habitations. Mais c'est vrai que c'est une problématique de l'éclairage urbain. La ville peut bien gérer ses éclairages publics. Elle peut décider où elle va éclairer, quelle place, quelle rue, mais par rapport à l'éclairage privé, ce sont les gens privés qui vont décider leur éclairage, et ça va influencer sur l'image de la ville. Ouais. C'est que la ville peut aussi décider de faire des économies, on va demander aux commerçants ou de pallier du coup pour. Donc il faut pas attendre. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est aussi une stratégie qui pourrait être bonne, mais je ne dis pas que c'est celle qui. Mais c'est aussi celle qui pourrait être bonne. Je Cette notion, parce qu'à la fois symbolique, au-delà barrière quand on est enfin, piéton, ce que je trouve. Peut-être que comme vous avez une culture différente, enfin, si j'ai bien compris, est-ce qu'il faudra aussi de s'intéresser à l'image de la lumière dans différentes cultures, enfin, dans son évolution dans l'histoire. D'accord. Bah, l'histoire de l'éclairage urbain et ses évolutions dans l'histoire, c'est un sujet qui a été traité dans la plupart des recherches qui s'intéressent au domaine de l'éclairage. Dans ma thèse, c'est vraiment l'éclairage interactif qui sera abordé et l'utilisation de l'interactivité dans les projets d'éclairage et non pas l'histoire de l'éclairage qu'on connaît déjà. Donc, c'est se concentrer sur le côté interactif de cet éclairage-là pour apporter de nouvelles informations qui n'ont pas été abordées avant dans d'autres études. Par rapport aux différentes cultures, oui, c'est vrai, la lumière, c'est enfin... c'est comment on l'aperçoit et c'est selon la base culturelle de chaque individu qu'il va voir cette lumière. C'est une question, c'est une problématique, une des problématiques de l'éclairage aussi. Et c'est vrai, quand on va éclairer une ville française, c'est différent. C'est un différent contexte d'une ville asiatique ou autre ville. Oui, c'est un point intéressant aussi. Voilà. Alors, j'ai une question qui est liée à ce que tu disais. C'est un beau sujet. Mais la question, c'est moi je me pose, c'est la vie nocturne, quand on va se balader en tant que tout dans la nuit, il y a un véritable tourisme, une ambiance qui est dégagée. La ville peut donner aussi cette ambiance d'éclairer les bâtiments historiques, d'éclairer les quais, d'éclairer. On va vraiment apprécier notre balade. Et, en fait, ma question c'est en quelle mesure la ville serait d'accord d'enlever, de réduire cet éclairage en empiétant, en enlevant peut-être un charme de la ville, un charme nocturne que tout touriste, toute personne habitant aime se balader. Est-ce qu'en fait, en réduisant la luminosité à des fins économiques, écologiques, qui est très intéressant, on va enlever aussi d'un côté le sociétal, cette ambiance nocturne qu'on aime également, parce qu'on vit aussi, on apprécie notre ville, le visage de la ville de la nuit est complètement différent du visage de la ville du jour, de la nuit du jour. Donc, c'est en ça, et après, je vais bien avoir des questions sur. Alors, comme j'ai déjà présenté, aujourd'hui, il y a des enjeux économiques, principalement les crises financières, et un grand nombre de villes s'orientent vers des économies d'énergie. On ne peut plus éclairer comme avant. Tous les bâtiments patrimoniaux, toutes les rues, même si on ne les utilise pas. Donc aujourd'hui, les villes comme Lyon, je donne toujours l'exemple de Lyon qui est dans ma thèse. Ils vont sacrifier dans des buts économiques pour réaliser des économies d'énergie. Mais en même temps, les nouvelles technologies, ils vont répondre Bah, c'est un peu le but de la thèse. Bah, ces nouvelles technologies, elles vont répondre à cette problématique-là, le fait d'éclairer la ville avec moins d'énergie, mais toujours en donnant une image nocturne, attirante pour les visiteurs ou bien pour les habitants de cette ville. Donc, l'exemple des temporalités lumineuses, de la lumière interactive va répondre à cette problématique-là. Quand on va utiliser ces technologies-là, la temporalité, la lumière interactive, on va faire ces économies et en même temps, on va garder cette image, cette attractivité de la ville en même temps. Voilà. Parce qu'il y a quand vous parlez d'interactivité, par exemple, ça serait comme la montée. Oui, à l'air. Donc ça va se créer en fonction de la personne qui va passer du détecteur de mouvement. C'est vraiment des questions à développer. Moi, je trouve que le centre de la question, c'est vraiment la question de l'interactivité, ce qu'on appelle interactivité. Les systèmes qui sont mis en place, soit qui interagissent avec, tu l'as montré rapidement, et je trouve que ça mériterait de détailler, soit avec des systèmes externes, comme le climat, ou des choses, soit avec des systèmes humains, comme la présence, avec aussi d'ailleurs ces pannes qui peuvent être inhérentes à toutes ces technologies. La panne, c'est aussi parfois le révélateur de ces limites de ces systèmes. Il faudrait être un petit peu. Moi je trouve que éviter un peu un discours trop approbatif et avoir un peu une distance critique par rapport à ces éléments-là. Puis qu'on ressent aussi à travers cette idée que cette interactivité-là, elle conduit quand même à une hyper-détermination des choses, ce qui est un peu un paradoxe, par rapport à quelque chose qui serait moins déterminé, non déterminé, et qui relève plus alors d'une vie spectacle pour le déterminer, par rapport à une vie poétique pour bien déterminer. Donc, finalement, les choses émergent quand il y a un ensemble d'éléments qui s'imposent, mais qui ne sont pas orientés par un système hyper défini. Quoi. Et je trouve que ça, du coup, ça pose une question, ça peut être vraiment une question fondamentale sur l'esthétisation du terrain urbain, dans d'autres domaines, qui peut être aussi le fond de la tête, le fond problématique. Ces éléments-là apparaissent, donc tu dis on les prend en compte, c'est pas se met en place, alors avec une bonne bonheur. Et c'est pour ça que je posais une question sur la méthode, enfin le but, la thèse, produire des connaissances, produire des nouvelles connaissances. Et je me dis donc, si j'ai bien compris la méthodologie, on en a déjà discuté, parce qu'il y a deux éléments, il y a une méthode évaluative, en fait on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire expérimental, qui consiste à observer des systèmes déjà mis en place, et donc évaluer ce qui, en termes de perception d'action, produisent ces systèmes. Alors je ne sais pas lequel exactement, enfin, si tu parles de Lyon, de certaines choses qui sont essentiellement à détection très lente, je crois, je ne sais pas, il me semble. Et puis, donc ça c'est comment ça va s'articuler les deux là? Parce que la deuxième partie de la méthodologie, c'est les prospectives. Je dis, en fait, je vais prendre un ancrage territorial et mettre en œuvre comme si on allait monter, voir comment ce type de projet-là peut se monter dans une perspective plus projetative. Et là, je me dis, bon, alors on vise quoi? On vise un type d'outil, un type de représentation. Comment ça se représente interactivement? Quels sont les éléments qui changent un petit peu la manière de faire projet si on parle de cette idée donc d'interactivité ou d'introduction d'interactivité dans l'environnement urbain et plus globalement dans l'ambiance, on va dire, habité, qui serait celle peut-être de demain. Peut-être que tellement d'imprévu peut se passer. Je ne sais pas. Je me demande comment ça va s'articuler la partie évaluative avec la partie prospective. Et comment on passe de l'un à l'autre. D'un point de vue psychologique, n'est pas tout à fait la même position. Faut se baser sur la partie expérimentale, ça sera la base. Ça sera la base de la phase prospective. Se baser sur les résultats de ces expérimentations qui ont été déjà faites, pour proposer une vision pour un terrain où il n'y a pas ces dispositifs-là. C'est se baser sur l'expérimentation pour passer vers la vision prospective. Et ce ne serait pas intéressant à cette prospective justement d'intégrer les différents acteurs, on va dire, producteurs, villages, etc. Comprendre un peu comment ces choses-là elles sont perçues, acceptées, redéfinies, peut-être réapprotiées, enfin, avoir un petit peu une vision moins. Justement, ce que je me gêne parfois, c'est cet hyperdéterminisme qui apparaît à travers ces systèmes assez complexes. Bon, merci beaucoup pour ces interventions. Merci beaucoup. Merci.